Je m'appelle Martin Pavelka, je suis pédopsychiatre, je travaille dans l'Essonne et je suis venu ici pour parler au nom des personnes qui auraient beaucoup aimé d'être là, notamment des membres de collectif des 39 qui s'est réuni vendredi dernier et il y avait de nombreuses personnes qui auraient aimé de venir. Et donc, nous avons prévu que deux personnes représentent ici le collectif des 39, dont moi. Et puis, le collectif des 39 est signataire également du mouvement ou de manifeste du printemps de la psychiatrie, dont parlait tout à l'heure notre collègue Pascal Yaz. Donc, c'est aussi un peu au nom de ce rassemblement à la fois des soignants, mais aussi des représentants des patients, des familles, et d'autres intervenants dans le champ de la psychiatrie qui sont réunis dans cette initiative du printemps de la psychiatrie. Je vais vous lire un tout petit peu, enfin une partie de ce tract qu'on a distribué tout à l'heure. Le printemps de la psychiatrie dénonce la répression dont font objet 9 soignants de l'hôpital de Rouvray à Rouen. Ceux-là même qui s'étaient mis en grève de la faim en juin 2018 pour avoir diffusé sur des réseaux sociaux une note aberrante de leur direction durant la crise Covid, note qui demandait au personnel de laver et réutiliser les masques chirurgicaux de protection et de ne pas en donner aux patients suspects de la Covid. Ces soignants sont aujourd'hui soumis à des sanctions. Et 2 d'entre eux vont passer au conseil de discipline, donc c'était la semaine dernière, et c'est en cours pour Thomas. Donc. Par cette offensive absurde, la direction de l'hôpital Rouvray tente de détourner l'attention de sa mise en danger de la santé des patients et de ses agents, et de discrimination envers les patients. Cela aggrave son cas. Aujourd'hui, plus que jamais, après ce que nous avons vécu pendant cette crise sanitaire et au décours de celle-ci, voyant les répercussions psychiques de cette crise sur les plus vulnérables et l'augmentation des demandes de soins, nous ne laisserons pas les directions empêcher les professionnels de santé de s'exprimer sur ce qui leur est devenu intolérable, l'incurie des directions et de la casse organisée de la psychiatrie publique par le pouvoir. Nous voulons une gouvernance hospitalière partagée, dans laquelle les usagers, les familles, personnels médicaux et non médicaux ont leur mot à dire et ne laissent plus des managers et des technocrates décider de tout et de punir en toute impunité. Voilà, ça c'est le tract que nous avons donc écrit pour à l'occasion de ce qui se passe ici et on voulait être présent. Mais franchement, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se fait qu'un technocrate d'une direction écrit un tract sur lequel il conseille comment utiliser les masques ? Quelle compétence cette personne a pour décider ce genre de choses ? C'est nous les soignants, c'est pas eux les soignants. Comment en est-on arrivé là de accepter que les technocrates, les administratifs donnent des injonctions, des conseils, se mettent à une place qui n'est pas du tout la leur. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment inquiétant, d'où aussi notre pancarte qui est en train de tomber et qui veut résumer ce que je suis en train de dire. En effet, incompétence, maltraitance, il faut que ça s'arrête au niveau des managers et des technocrates qui devraient partir hors de l'hôpital. On a besoin des directions, mais pas des technocrates et des managers. Merci.